À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, des meetings, colloques, conférences, expositions de livres et de photos et séances de films ont eu lieu en Grande-Bretagne, en Suisse, en Roumanie, au Népal, en Guinée, au Nigeria et en Algérie. Dans la salle d'exposition de livres et de photos se trouvaient les photos sur les exploits immortels du président Kim Il-sung pour la victoire dans la guerre, les œuvres classiques des grands hommes Paektosan et les livres et photos montrant la réalité fière de la Corée du Tutsi. Lors des séances de films, on a projeté les films coréens comme « Qui a tracé la ligne de démarcation du 38e parallèle ?»